Bonsoir, bonsoir chez vous et partout où vous nous captez. C'est le moment de suivre le journal de ce soir, samedi le 18 août, dont voici d'abord les grandes articulations. Les Burundais bénéficiaires de la formation au Japon ne trouvent pas quoi faire et des connaissances acquises. Même au niveau du ministère de l'Éducation reconnaît le défi technique, vous l'entendrez dans cette édition. Le manque criant des médicaments et la cherté des examens médicaux, tels sont les défis rencontrés par les malades des hépatites virales au Burundi. Précision de Dieudonné Hakidimana, le représentant légal de l'association pour la lutte contre les hépatites virales. Détail dans son journal. 5 jeunes hommes sont retenus au cachot de Mugamba, accusés d'extraire illicitement de l'or. C'est en commune et Kiwedi dans la province Bururi. Vous aurez les détails dans ce journal. Le prix Nobel de la paix et ses secrétaires général Kofi Annan s'est éteint à l'âge de 80 ans. Ce samedi, le 18 août, voici pour le sommaire. Ouvrons ce journal par la brève justice. Le président du tribunal de résidence et le greffier responsable sont incarcérés à la prison centrale de Mimba depuis ce vendredi. Les deux sont accusés de falsification des dossiers des justiciables. Le récent cas étant celui où ils ont falsifié un dossier d'un justiciable qui avait eu gain de cause dans un dossier foncier. Continuons ce journal par toujours avec le bref sécurité. Des hommes blessés, tel est le bilan d'un embuscade à la grenade survenue vers 20h de ce vendredi sur la colline Nyakadi en commune Kiwago de la province de Makamba. Selon Zeno Nishimwe, administrateur communal de Kiwago, les victimes rentraient dans le bistrot lorsque des inconnus ont jeté cette grenade. Cette autorité communale dit que des enquêtes ont commencé pour tenter de retrouver et traduire en justice les présumés auteurs. Les victimes reçoivent des soins dans une structure sanitaire selon administrateur communal de Kiwago. On continue cette journal sur la page coopération. Les Burundais bénéficiaires de la formation au Japon à travers le projet African Business Education disent éprouver des difficultés dans la mise en application des expériences acquises quand ils arrivent au Burundi. Lors des cérémonies d'adieu aux autres étudiants qui vont partir pour les études à Tokyo, le chargé de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît ces défis techniques. Le représentant de la coopération japonaise au Burundi au Rwanda trouve que même si le Burundi n'a pas d'industrie de pointe, le lac Tanganyika constitue un atout pour le développement. Reportage d'Elini Berenibigira. Hiroyuki Takada, représentant du Japon au Burundi et au Rwanda, affirme que le Burundi est encore en arrière en matière d'industrialisation. David Majambele, un des bénéficiaires de cette formation, revenu au Burundi, dit que leurs expériences sont difficilement partagées aux autres pour manque de technologies développées. Maintenant que je suis au pays, il y a tant de défis qui nous attendent. Le Japon est un pays très avancé en matière technologique. Ce qui nous manque beaucoup, c'est des outils qui nous permettraient de pouvoir divulguer les connaissances acquises à beaucoup de gens. Emmanuel Tungamwese, chargé de la coopération au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, ne dit pas que ces étudiants qui partent étudier au Japon ont acquis des connaissances qu'ils ne parviennent pas à mettre en application. Cependant, ils contribuent parfois dans le secteur d'enseignement. Nos étudiants qui vont là-bas, ils ont un enseignement très poussé. Après l'enseignement, les étudiants sont orientés dans des entreprises. L'avantage que le Burundi tire de ce programme, c'est que après leurs études, les étudiants sont envoyés dans des entreprises. Nos étudiants sont initiés à des méthodes très scientifiques de recherche. Le représentant du Japon fait savoir que son pays forme des étudiants pour qu'ils soient utiles à leur pays. Il promet également que le Japon va appuyer dans la réhabilitation du port de Bujumbura, même si le secteur industriel ne se porte pas bien. Je n'ai pas de vision spécifique en ce qui concerne l'industrialisation au Burundi, mais le Burundi est un pays en voie de développement et vous avez de la chance, vous possédez le lac Tanganyika. Je crois que l'utilisation de ce lac va promouvoir les échanges commerciaux avec d'autres pays et c'est pourquoi nous allons appuyer dans la réhabilitation du port de Bujumbura. Parmi les étudiants africains attendus pour les prochaines études au Japon à travers le programme African Business Education, 300 Burundais. Ce projet est actif depuis 2015. Merci à toi, Nibel. D'ici la fin de cette année, l'hôtel de ville pourra être fonctionnel. Propos du maire de la ville de Bujumbura, qui indique qu'il manque encore quelques équipements comme l'ascenseur. Pour les constructions, Freddy Mbonima précise qu'elles sont presque achevées, sauf quelques travaux de finissage. Écoute-le. Nous sommes confiants qu'avant la fin de l'année, on pourra pouvoir inaugurer cet immeuble, cet hôtel de ville. À 90%, il est achevé, mais il nous reste que les équipements, notamment. Nous avons besoin pour notre autonomie d'énergie, une cabine à moyenne tension qu'on doit commander. Nous avons besoin des équipements pour la salle de conférence à traduction simultanée. Nous avons besoin des ascenseurs, nous avons besoin de l'escalator, nous avons besoin d'autres équipements. Alors, nous remercions la banque, le responsable de la Banque nationale, la BRB, qui ont bien voulu nous soutenir en nous octroyant les devises pour qu'on puisse commander les équipements. Vous le savez, on le fait par étapes. Il y a un pourcentage donné qu'on doit faire les commandes et après on paye. Et nous pensons que d'ici, avant la fin de l'année, qu'on pourra inaugurer l'hôtel de ville. Le gérant de l'agence de la banque BCB à Nyanzara, qui est en province Makamba, a été arrêté puis conduit au cachot de la police. L'après-midi de ce jeudi, Defense Seruberi Nwari est accusé d'avoir autorisé le débit d'un compte à une personne tierce et que le propriétaire du dit compte pour un vol. Fidèle Nyavenda, procureur de la République à Makamba, qui a ordonné cette arrestation, confirme l'information et ajoute que la personne arrêtée est pour le moment dans les mains du parquet général. Passons à la page société. Certaines femmes de la commune et province Elumongue ont déjà marqué un pas remarquable dans l'autodéveloppement. Ces dernières disent qu'ils ont réalisé pas mal de projets génératrices de revenus. Jean-Marie Ndouimana, conseiller principal du gouvernement, apprécie le pas franchi par les femmes de Elumongue dans l'autodéveloppement. Reportage Ridi. Ces femmes commerçantes de la commune et province Elumongue sont de différentes catégories. Certaines d'entre elles font du commerce des vaches et d'autres font du commerce des habits. Ici, elles disent comment elles font leurs activités. Chaque mercredi, je vais au marché où on vend des vaches. Si je les trouve, j'achète une. Et si ce n'est pas le cas, j'achète des moutons ou des chèvres et je donne cela au boucher pour avoir une petite bénéfice afin que je puisse continuer mon commerce. Nous devons avoir du courage pour faire n'importe quel travail. Pour moi, c'est facile et je me sens à l'aise. Moi, je mourrai au Kampala et à Dar es Salaam pour le commerce des habits pour les mamans et les enfants, mais aussi et les draps. Ces dernières indiquent également qu'elles ont déjà réalisé pas mal de projets grâce à leur commerce. Merci. J'ai décidé de réaliser un projet via mes efforts et j'ai acheté une parcelle pour une petite somme, mais j'en suis fière. J'ai construit des maisons, j'ai acheté une parcelle à Bujumbura et j'ai une voiture. Mes enfants étudient sans problème et j'en suis fière. Elle lance un appel aux autres femmes qui n'ont pas encore pensé à l'autodéveloppement de travailler pour le développement de leur famille et aussi pour le développement et de ne pas rester fermées chez soi et d'aider les dons de différentes associations. Ndouimana Jamari, le conseiller principal du gouvernement. Le gouverneur d'Elumongue apprécie le pas franchi des femmes dans le développement. Le développement de la femme de la province d'Elumongue trouve un pas que je peux apprécier beaucoup positif. Voir l'état de lieu d'aujourd'hui. On a pas mal d'associations de femmes qui font de l'hygiène au niveau des quartiers, mais aussi qui font le système d'épargne et de crédit pour voir comment la femme elle-même peut se développer. Ce conseiller principal du gouverneur de Elumongue lance un appel aux différentes associations de soutenir la femme dans son développement. Merci à toi, Lydie. Plus de 100 190 Burundais rapatriés de la Tanzanie sont arrivés au chef-lieu de la commune de Muyinga vendredi soir. Lambert Minani, conseiller technique de l'administrateur de la commune de Muyinga, précise que ces Burundais accueillis au chef-lieu de la commune sont uniquement originaires de cette entité administrative et se répartissent en 64 ménages. Pour toute la province, 649 individus sont arrivés en province Muyinga cette semaine en provenance de camps d'Onduta et Nyarugusu. Des cadres à la direction chargée du rapatriement affirment que depuis le lancement de la campagne de rapatriement, des centaines de Burundais rentrent chez eux chaque semaine. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h11, notre journal continue. Le manque de médicaments et les examens qui sont chers sont certains des défis auxquels font face les malades des hépatites virales au Burundi. Comme l'indique Dieudonné Hakidimana, représentant légal de l'Association pour la lutte contre les hépatites virales au Burundi, pour le cas des porteurs des hépatites B, les malades sont obligés de prendre les médicaments destinés aux porteurs du VIH-Sida alors qu'ils n'ont pas ce virus. Dieudonné Hakidimana demande au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida de disponibiliser dans les pharmacies locales les médicaments pour traiter les hépatites virales. Suivez-le au micro de Gertrude Mawena. Au Burundi, premièrement, il n'y en a pas de traitement contre l'hépatite B. Pour avoir ce traitement, il faut faire une commande. Par exemple, moi, je suis obligé de faire la commande en Ouganda. Une boîte coûte 15 dollars. Alors, il y a des autres personnes qui n'ont pas ces moyens pour acheter. Un autre problème, c'est les examens pour avoir accès à ce traitement, les charges virales. Les charges virales sont à 250 000 francs. Ça, c'est pour l'hépatite B. Il y a aussi, pour l'hépatite C, c'est aussi vraiment difficile. Le traitement est à 2 millions. Plus les examens de suivi, c'est-à-dire charges virales, 250 000 et le jeune pas 300 000. Au total, c'est 550 pour les examens seulement. Si on ajoute les traitements, c'est 2 500 000. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes que les personnes vivent avec les hépatites, que ce soit B ou C, font face dans notre pays. Et pour ce cas du médicament qui est destiné aux porteurs du VIH, est-ce que ça fonctionne aussi pour les malades des hépatites virales? Oui, ça fonctionne parce que dans ce traitement pour le VIH, ce sont des traitements, c'est-à-dire des composants combinés. Tenofovir est pris, lamivudine ou bien un autre composant. Mais réellement, la personne qui est infectée par l'hépatite B a besoin nécessairement du tenofovir. Mais en réalité, ici, puisqu'ici il n'y en a pas de ce traitement, on est obligé de déclarer que la personne est co-infectée de VIH. Et l'hépatite B, alors qu'il ne l'est pas. Je demande au ministère de la Santé publique de lutte contre le sida de disponibiliser ce médicament. Je demande au gouvernement de discuter avec les firmes pharmaceutiques et disponibiliser les médicaments dans les pharmacies de taille, dans les pharmacies de groupe. À la page sécurité, 5 jeunes hommes de Kiwezi en commune Mugamba de la province Bururi sont retenus au cachot de la police de Mugamba depuis ce vendredi. La police les accuse d'extraire illicitement de l'or dans cette contrée. Certains parents parlent d'arrestation arbitraire, ce qui nie la police de Bururi, évoquant des cas de flagrance. Reportage de Jean-Pierre Misago. Des informations recueillies auprès de certains des parents de la colline Kiwezi indiquent que la police de Mugamba avait investi cette colline dès ce vendredi matin. L'objectif était d'arrêter tous les orpailleurs clandestins de cette colline. Cependant, selon ces parents, les personnes arrêtées constituées exclusivement des élèves du fondamental et du post-fondamental l'ont été arbitrairement. Les uns, en effet, ont été arrêtés chez eux et d'autres à la recherche de l'herbe pour les vaches, selon ses parents qui demandent que leurs enfants soient relâchés. Au niveau du commissariat provincial de police à Bururi, l'on informe que ces élèves ont été arrêtés en flagrant délit avec leur matériel d'extraction et leur dossier d'extraction illicite des mines sont en train d'être confectionnés. Cela arrive après que deux associations d'extraction artisanale de l'or constituées de personnes originaires de Chibitoki et de Wanza, eurent été chassées dans cette localité Terminons cette journal par une nouvelle triste. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, s'est éteint ce 18 août à 80 ans. Selon l'agence Reuters qui nous a donné cette information, cette grande figure au niveau mondial est décédée suite à une maladie de courte durée. Ce grand diplomate originaire du Ghana a été premier africain à occuper ce poste de haut niveau au sein des Nations Unies de 1997 à 2006 et a pu déclocher le prix Nobel. Les Burundais le reconnaîtront pour son implication dans le processus de négociation d'Arusha ayant abouti à la signature d'un accord de paix. C'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous invités aussi pour sa collaboration technique. Gardez l'écoute dans quelques poussières de secondes. Place à la revue de la presse. Au revoir et bon week-end. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu est revenu sur les événements sanglants de Nega et Marangara. C'est dans les provinces de Kirundo et Ngozi, au nord du Burundi, le 15 août 1988. Le devoir de mémoire, écrit-il. 30 ans viennent en effet de passer après cette crise qui a endeuillé les deux communes. Hélas, la lumière n'est pas faite selon le journal. Des questions sans réponse demeurent, notamment les responsabilités. Qui a fait quoi, pourquoi et comment? Iwachu mentionne que dans une enquête menée il y a 5 ans, deux versions se transmettent entre générations. Une affirme que des extrémistes Hutus se sont déchaînés froidement sur des innocents Tutsis. Une autre version raconte que les Tutsis voulaient liquider les Hutus comme ils l'ont fait en 1972. Nous avons pris le devant pour nous défendre, plutôt que mourir bras croisés. La fameuse formule « provocation, réaction, répression » est évoquée. L'agence Netpresse rappelle pour sa part que Nega Marangara n'est pas le seul dossier qui n'a pas été traité par la justice burundaise. Ceux des anciens présidents Melchior Ndadaye et Cyprien Ntaryamira notamment n'ont pas encore connu d'issue. La liste pourrait être longue selon l'agence en ligne car l'impunité a été fortement enracinée dans l'esprit des juges et des politiciens burundais. Pour emprunter l'expression d'un politicien français, poursuit-elle, qui veut noyer un dossier important crée des commissions. Le journal Iwachu est également revenu sur le cas d'un directeur d'école qui cède un élève pour passer l'examen d'État. Il s'agit de Benjamin Manirambona, directeur du lycée technique de Buterere. Il vient en effet d'être condamné à 5 ans de prison et 10 ans de non-exercice dans la fonction publique. Mais le journal La Voix de l'enseignant estime que la peine n'est pas à la hauteur de l'infraction commise. Les enseignants considèrent que l'acte posé dépasse une simple fraude, qu'il s'agit d'un sabotage du système éducatif burundais et d'un préjudice moral aux éducateurs. Ils s'attendaient à ce que l'accusé soit sanctionné d'une façon exemplaire pour décourager les cas de fraude des examens nationaux qui commencent à prendre une allure inquiétante. Revue de la presse. Convention haute millénaire, la Tanzanie serait-il en train de flouer le Burundi? Se demande la communauté des blogueurs Yaga. Un billet soutient que la convention qui a été signée le 30 mai 1919 entre la Belgique et l'Angleterre, ancienne métropole du Burundi et de la Tanzanie, a vu le Burundi amputé du Wugufi et en contrepartie avoir des concessions dans les ports de Dar es Salaam et Kigoma. Cette convention semble être passée aux oubliettes et c'est le Burundi qui en sort grand perdant. Difficile de savoir, selon Yaga, ce que savent, pensent ou encore ce qui est en train d'être fait par les différentes autorités concernées. Du ministère du Commerce, Bureau Commerce Extérieur, au ministère des Relations Extérieures, Bureau Afrique, en passant par le ministère des Transports ou encore par l'autorité maritime, les différentes personnes interrogées semblent se refiler la patate chaude. Manque d'informations sur le dossier, réticence ou encore dossier sensible, il n'est pas facile de savoir. Déplore le billet. La société sucrière du Mosso envisage l'extension des plantations de canne à sucre, mais aussi de l'usine. La priorité est de satisfaire le marché local, selon le magazine économique Burundi Echo. Pionnier de l'industrie sucrière du Burundi, cette société tient toujours debout malgré une conjoncture économique défavorable. La production du sucre a connu une évolution spectaculaire, passant de 4 657 tonnes de sucre en 1988 à plus de 20 000 tonnes en 2018. Le pari n'est pas tout à fait gagné car, selon toujours notre confrère, la demande est toujours supérieure à l'offre. La Sosumo devrait produire jusqu'à 35 000 tonnes de sucre pour satisfaire au moins les besoins de la population et abandonner l'importation du sucre qui lui fait dépenser plus de 10 milliards de francs bout chaque année. 15 août 2018, les chrétiens catholiques venus de différentes provinces du Burundi ont célébré mercredi l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. La fête était présidée par Mgr Simon Amwana, archevêque de Gitega au sanctuaire marial de Mugera. C'était une ambiance de joie selon l'agence burundaise de presse. L'archevêque de Gitega s'est réjoui d'une foule nombreuse venue de différents diocèses pour se rassembler à ce sanctuaire marial. Il a invité les chrétiens à se laisser guider par la Sainte Vierge Marie dans leurs activités quotidiennes. Le président du Sénat qui était présent dans ces cérémonies a quant à lui invité les autorités de l'Église catholique à apporter leur soutien au processus électoral de 2020. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Mireille Naomini Tegeka et Léon Sebitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.